Je suis allé à Montréal en fin de semaine, une ville qui continue de dépérir. Je pense que même les gens qui sont dedans commencent à s'en rendre compte tranquillement, pas vite, là. Quand ton seul moteur économique, c'est des étudiants en grève, il faut voir le nombre de pancartes qu'il y a dans la rue pour inviter les étudiants à rentrer, manger, déjeuner, bruncher, boire, magasiner. Des rabais spéciaux étudiants, là, il y en a partout. Ça nous prouve deux choses. Premièrement, qu'il reste plus rien que les étudiants qui font tourner le dedans de la ville à Montréal. Ça, c'est pathétique. La roue économique. La roue économique. Puis deuxièmement, ça nous montre que les étudiants ont de l'argent parce que ça doit sourire à bien des commerces qui ont mis des pancartes pour les inviter à rentrer, hein. J'imagine que si t'as un 10 % de rabais sur un pichet, un rabais étudiant, des pichets doivent s'en boire un puis deux puis trois. Je me le suis fait confirmer d'ailleurs par des gens sur Saint-Denis qui disent, garde, ce printemps, il y avait rien que ça, des étudiants dans la rue. Puis les étudiants veulent boire puis ils ont de l'argent. Fait qu'on les invite en dedans, ils prennent deux pichets à 10 % de rabais, puis après ça, ils se ramassent ses shooters à 5 piastres puis on fait notre veillée. Ces pauvres étudiants qui demandent la gratuité scolaire font vivre actuellement la ville de Montréal. Ça va pas leur appartenir bientôt. On pourrait leur donner. Dites-vous que l'argent qu'on leur donne, au moins, ils font rouler l'économie avec. Ils ramènent dans le système. L'économie d'une ville qui s'enfonce, là, qui veut pas admettre ses problèmes, mais font rouler l'économie pareil. C'est comme le gars à la commission Charbonneau que les pots de vin qu'il recevait, il jouait au casino pour les redonner à la société à un autre niveau. Ah oui. Hey, je constate... On n'a pas parlé encore. On parle de beaucoup de maladies hein, depuis quelques mois déjà. Il y a eu la légionellose à Québec. Dans les journaux, la semaine passée, on parlait de la montée des maladies transmises sexuellement, ouais. La chlamydia, la gonorrhée. Je pense qu'il y a un nouveau virus. Et ce virus-là semble très contagieux parce que il y a même pas un an ou deux ans, c'était une personne, une fois de temps en temps, qui était atteinte de ce virus-là en public. Puis là, plus ça va, plus il y en a. Je sais pas d'où ça part, je sais pas d'où le germe se propage. Je sais pas si c'est dans les systèmes de ventilation. Je sais pas si l'épicentre de ce nouveau virus-là est la ville de Montréal. Mais en fin de semaine, j'ai vu beaucoup de comportements qui me portent à penser qu'il y a de plus en plus de malades atteints de ce virus-là. Appelons ça, parce que j'ai pas trouvé d'autres noms. Ah, c'est nouveau, là. Non, c'est nouveau. Les chercheurs sont pas au courant, okay. Les spécialistes sont pas au courant. Mais ceux qui vivent puis qui se promènent doivent commencer à s'en rendre compte aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle le matin. Je veux qu'on essaye de ramasser les symptômes de cette maladie-là. Donc, à défaut d'un autre nom, on va appeler ça le virus du carré rouge. Le virus du carré rouge qui fait en sorte que lorsque tu te retrouves dans un endroit public, tu sais pas vivre. Le virus du carré rouge qui fait en sorte que lorsque tu te retrouves dans un endroit public, il y a juste toi qui compte. Genre le tout est dû, là. Tout t'est dû, ouais. Déranges tout le monde, tu t'en rends pas compte parce que tu sais pas vivre puis que t'as la tête dans le cul. Le virus du carré rouge. Tout m'est dû, puis moi j'ai pas de compte à rendre. Le virus du carré rouge qui fait en sorte que filmer un show au Centre Bell avec 3 iPads, c'est pas grave. Je dérange 8 rangées, mais non, moi j'ai mon iPad. J'ai le droit. Qui allume comme un hostie de stroboscope, mais c'est pas grave parce que moi je vis. Vous autres, fuck off. Moi, je vis. Le virus du carré rouge. Le virus du carré rouge qui fait en sorte que t'es d'un film au cinéma, mais faut absolument que tu parles à tous les messages qui rentrent sur ton nostril de téléphone intelligent. Parce que moi, je vis. J'ai des messages qui rentrent. Donc, je vais allumer mon téléphone, hein? Des fois que je peux pas attendre. Je peux pas attendre. C'est sûrement ma mère qui est en train de mourir. C'est sûrement super important. Pis c'est important aussi de commenter à mesure le film sur Twitter. Parce que, hey, c'est mon nombril. Moi, je vis. Avez-vous remarqué que ce genre de comportement-là est de plus en plus répandu? Des gens qui n'ont même plus la décence de se rendre compte qu'autour d'eux autres, il y a du monde. Pis que ça continue à vivre, pis que des fois, il y a des gens qui veulent passer, ou des gens qui veulent profiter de l'instant, pis qui sont pas le centre de l'univers. Le virus du carré rouge qui fait en sorte que tu vois plus le monde autour de toi, ils ne sont plus là. Ils n'existent plus. Il n'y a que moi, parce que moi, je vis. C'est rendu qu'il faut, et c'est le seul remède que j'ai trouvé sur le virus du carré rouge, il faut intervenir. Intervenir fermement. Parce que tu fais rien que les regarder pis ils te voient pas. Ah, le habituellement, c'est quand t'es au cinéma, tu te retournes une, peut-être deux fois, puis habituellement, c'est suffisant. Non, c'est fini, ça. OK. C'est fini. Le virus, il est féroce. C'est rendu qu'il faut que tu sois non seulement ferme, mais à la limite, faut que tu sois agressif pour que le comportement cesse. Du monde qui savent pas vivre d'un restaurant, du monde qui savent pas vivre au cinéma, du monde qui savent pas vivre d'un show, du monde qui savent pas vivre d'une game de hockey, du monde qui pense que tout leur est dû et que les autres ont juste à s'adapter. Comme mon grand innocent, que lui a décidé que Neil Young, il filmait sur son iPad. Au complet. Je cache trois personnes en arrière de moi, c'est pas grave. Mes coudes arrivent dans le front d'une petite fille qui est venue voir le show, c'est pas grave non plus. L'éclairage fait en sorte que tout le monde dans ma section est aveuglé pis que tout le monde veut m'arracher la tête, c'est pas grave. Moi, je vis. Le virus du corps est rouge. Qui fait que t'as plus de jugement de tes deux oreilles. Pis je sais pas si c'est dans le cul ou dans le nombril que t'as la tête, mais tu vois plus rien autour de toi. En avez-vous vu des comportements comme ça? En voyez-vous? Trouvez d'autres symptômes, là. Je vous en ai nommé quelques-uns, là. Mais j'ai l'impression que c'est rendu de plus en plus répandu, puis c'est même rendu difficile d'aller d'un resto puis d'aller d'un endroit public sans se faire écœurer par du monde qui ont aucun savoir-vivre. Ma blonde est tout petite. Puis, mettons que c'est pas... ça en prend beaucoup, là, pour venir à bout de sa patience, là. Il a fallu qu'elle pogne le taouin par le bras pis qu'elle dise, hey, si tu voulais pas voir le show, tu pouvais rester chez vous aussi, là. Le gars de l'iPad, ça. Le gars de l'iPad. Mais là, tu sais, j'imagine que quand tu dis gentiment, peux-tu tasser ton iPad? Ah, je m'excuse. Non. Mais là. Non. Hey, on l'avait dérangé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit mon tweet avec son iPad? Ben là, c'est parce que je tape une toune pour mon frère. Ben, il avait juste à se payer un billet, ton frère. Hey, là, c'est moi qui est intervenu. J'ai dit, regarde, si ton iPad, tu veux pas que je te le calisse dans le cul, là? Il dit, tout le monde ici t'a payé pour voir le show, là. Ton iPad, tu le ramasses. Tu l'éteins. C'est clair? Elle te le dit poliment, là. Moi, t'as le dire sec, moi. Il dit, tu sais pas vivre? Moi, t'apprends à vivre. T'es d'une foule ici, là. Colon. Oh, je dérange. Je tape une toune. Tout le monde s'apprend de la lieutenant-gouverneur du Québec, hostie. C'est l'anniversaire de ma fille. C'est pour ça que je fais trois soupers à trois places différentes en même temps sur la carte de crédit des contribuables. Moi, je vis. Hey, excuse, c'est parce que c'est James Bond. Ça te dérangerait-tu de ramasser ton téléphone? Ce sera pas long. 10 minutes plus tard, si le téléphone est encore allumé. 10 minutes que c'est commencé. C'est super bon. Hashtag Skyfall. Ah ouais, envoie ça sur Twitter. Ben important. Tente pas de rester chez vous et d'attendre qu'il sorte en Blu-ray si t'es pas capable de te comporter dans du monde. Colon. Le virus du corps est rouge qui est de plus en plus répandu puis qui fait en sorte que c'est de plus en plus insupportable de sortir, de vivre, d'avoir du fun. Je pense que c'est plus répandu à Montréal, un endroit où le savoir-vivre a pris le bord depuis un maudit bout. Alors qu'on se vante d'être une ville tellement sociale, tellement pour le bien commun, puis tu sais le volet bien commun là, ça s'applique dans certains domaines seulement. Et ça s'applique pas en communauté. Non, mais ça me fait capoter. Tu sais, avant, des fois, ça peut arriver, là. T'as un comportement qui dérange du monde. Mais tu sais, tu te le fais dire poliment. Tu dis, hey, excuse-moi, je m'en étais pas rendu compte. Hey, excuse-moi, je vais faire attention. C'est vrai. On faisait peut-être du bruit un peu. On avait pris 2-3 bières. Puis regarde, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon chum. Excuse. Veux-tu une bière? Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'arrive au Centre Bell. Je vois un chum de cégep que ça fait des années que j'ai pas vu. José Antonio Pires, comment ça va, tabarnouche? Hey, là, on parle, on se compte notre nouveau. Puis à un moment donné, quelqu'un disait, hey, les gars, parce qu'il y a un chauffe, parlez fort un peu. Excuse-nous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. T'as assis, puis quand t'es venu le temps d'aller à la bière, excuse-nous pour tantôt. Qu'est-ce que vous prenez? On va vous payer une bière, là. Et c'est vrai qu'on a été dérangeant un peu, là. Y a-tu moyen de s'excuser, de faire amende honorable? On a manqué de savoir-vivre. On a été emporté un peu par nos émotions. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est normal, dans société. Mais à cette heure, quelqu'un qui a un comportement de colon va se défendre d'avoir son comportement de colon, puis il va falloir que tu le menaces pour qu'il arrête son comportement de colon. C'est triste de voir ça. Puis j'appelle ça le virus du carré rouge parce que c'est pas mal ça qui est arrivé ce printemps à Montréal. C'est du monde qui pense qu'on le doit tout. Puis qui pense pas aux conséquences pour les autres. Qui pense pas aux conséquences, puis les autres, c'est pas grave. Moi, je vis. Reste dans ton char pendant que ton enfant attend à la garderie, là. Ouais. J'ai des revendications. Regarde, qui sèche ton enfant à la garderie? Moi, je vis, là. Je vis, là. Je suis dans la rue, je vis, là. J'ai un carré rouge, je vis. Go. Moi, je pense que c'est le mal du nouveau siècle. Beaucoup plus dangereux que bien des épidémies suivies par la direction de la santé publique. Ça touchait-tu un groupe d'âge, ce que tu vois, ou c'était assez large? Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes universitaires qui ont tout un peu la même allure. Qui ont eu beaucoup de droits dans leur enfance, dans leur adolescence. Regarde, c'est... Puis il y a eux autres. Puis t'as des gens, c'est un retour d'âge aussi, qui ont pas pris une brosse depuis 30 ans. Puis là, c'est leur première brosse. Puis ils l'échappent complètement. Oui, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient pas sortis. Puis il y a du rattrapage à faire, puis les autres, on s'en sac. Ouais. Il y a un petit peu des deux. Mais essentiellement, les comportements dérangeants, souvent liés à des iPads puis des cellulaires, c'est des jeunes. Des jeunes universitaires qui, curieusement, ressemblent tous à Xavier Dolan. Je sais pas si c'est un symptôme. Je sais pas si physiquement, ça te prend des lunettes en bois à partir du moment où il y a juste toi qui existe. Je sais pas comment ça marche. C'est une nouvelle maladie. Là, on la traite ensemble. Là. On cherche les premiers symptômes.